Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée pour la visualisation à distance d'un chalet en Alaska. Cette séance durera environ 15 minutes. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant les 15 prochaines minutes. Fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration. Expirez lentement, relâchant toute tension dans votre corps. Répétez ce cycle respiratoire profond 3 fois. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration naturelle, sans chercher à la contrôler. Observez simplement le flux et le reflux de votre souffle. Commencez à relâcher la tension dans votre corps, en partant des pieds. Sentez vos orteils se détendre, puis la plante de vos pieds, vos chevilles. La relaxation remonte le long de vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Votre bassin se détend complètement. La sensation de détente se propage dans votre dos, votre abdomen, votre poitrine. Vos épaules se relâchent et s'abaissent doucement. La relaxation descend le long de vos bras, vos coudes, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Votre cou se détend, ainsi que votre mâchoire, vos joues, votre front et votre cuir chevelu. Vous êtes maintenant dans un état de profonde relaxation. Imaginez-vous entouré d'une lumière dorée apaisante et protectrice. Cette lumière vous enveloppe complètement, créant un cocon de sérénité autour de vous. Sentez comme cette lumière vous connecte à l'énergie de l'univers. Visualisez maintenant devant vous un écran blanc et lumineux. Ce sera votre fenêtre sur le chalet en Alaska que nous allons explorer. Concentrez-vous sur votre intention de percevoir ce chalet spécifique. Il est situé à 63 degrés de latitude nord, à 1800 mètres d'altitude, dans le parc national de Denali en Alaska. Imaginez que les coordonnées précises du chalet sont inscrites dans votre esprit. Laissez ces coordonnées vous guider vers le chalet. Observez attentivement votre écran mental, des images ou des sensations peuvent commencer à apparaître. Ne forcez rien, restez simplement ouvert et réceptif aux informations sur le chalet. Peut-être voyez-vous la forme du chalet se dessiner. Quelle est sa taille? De quel matériau est-il construit? Du bois? De la pierre? Observez son environnement. Est-il entouré d'arbres majestueux? Voyez-vous des montagnes enneigées à l'horizon? Y a-t-il de la neige autour du chalet? Concentrez-vous sur les détails extérieurs du chalet. Combien de fenêtres pouvez-vous voir? Y a-t-il une cheminée? De quelle couleur est-elle? Observez-vous un porche ou une terrasse? Laissez venir à vous toutes les impressions liées à ce chalet. Quelle est la température autour du chalet? Fait-il froid? Quelle odeur percevez-vous dans l'air? Une odeur de pin, de neige fraîche? Imaginez-vous maintenant vous approcher du chalet. Vous montez les marches du porche. Vous êtes devant la porte d'entrée. Quelle est sa couleur, sa texture? Vous ouvrez doucement la porte et entrez à l'intérieur du chalet. Que ressentez-vous immédiatement? La chaleur d'un feu de cheminée? L'odeur du bois? Explorez mentalement l'intérieur du chalet. Observez la pièce principale. Y a-t-il de grands canapés confortables? Voyez-vous une table en bois massif? Notez les détails de la décoration. « Dirigez-vous vers les fenêtres. Quelle vue s'offre à vous? Pouvez-vous voir la nature sauvage de l'Alaska s'étendre à perte de vue? Continuez à observer et à ressentir, en accueillant toutes les informations qui se présentent à vous. Maintenant, prenez conscience de toutes les impressions que vous avez reçues sur ce chalet en Alaska. Préparez-vous à revenir doucement à votre état de conscience normal. Prenez une profonde inspiration. Et expirez lentement. Répétez ce cycle 2 fois. Bougez doucement vos doigts et vos orteils. Prenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes assis ou allongé. Ouvrez lentement vos yeux, en vous sentant rafraîchi et éveillé. Prenez un moment pour noter ou dessiner toutes les impressions que vous avez reçues sur le chalet en Alaska. Félicitations, vous venez de terminer votre séance de visualisation à distance. Avec de la pratique régulière, vos capacités s'amélioreront et vos perceptions deviendront plus claires et plus détaillées. N'oubliez pas d'aborder chaque séance avec un esprit ouvert et sans attente. Merci d'avoir participé à cette méditation guidée pour la visualisation à distance. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle séance.